أعمل إيه لو مش سعيدة لو مش عارفة أطفو وأعمل إيه للمطر ينزل ويخليه الحزن يدوب أعمل إيه لو مش حزينة لو مش عارفة أبكي أعمل إيه للشجر يكبر ويخليه الوقت يعدي يعدي بعيد ما يجيش تاني هنا عندي يكبر ويخليه بعيد موجة عالية خايفة منها موجة غامقة جاية تشفطني موجة عالية خايفة منها خايفة منها وهو يقول ما كانش المفروض نكون كان عايش يوم ولقاني عاوز يبقى موجود كان ماشي في يوم ولقاني موجة عالية خايفة منها موجة غامقة جاية تشفطني intéressant de faire des belles découvertes musicales le matin. On est en compagnie de Michèle Lemonnette, animatrice des Oreilles ailleurs. Bonjour Michèle. Bonjour Caroline. Bon là, je te laisse le soin de présenter ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est la chanson s'appelle Moga. La chanteuse, c'est Maï Walid. C'est M-A-I-I-W-A-L-E-E-D pour ceux qui chercheraient son nom. Oui, parce que nom, sur parce Internet, que on veut pitonner. Je sens qu'ils oui. sont déjà en train de pitonner pour essayer de trouver cette chanteuse. Mais ce qui est de très particulier de Maï Walid, c'est qu'elle a, d'abord, elle a à peine 25 ans. Elle avait 24 ans quand elle a fait cet album. L'album s'appelle Moga aussi, du titre, le même titre que la chanson. Et c'est une artiste qui a débuté quand même assez jeune. Elle avait 17 ans quand elle a débuté sa carrière musicale. C'est une jeune femme d'Alexandrie, en Égypte. Et elle a débuté dans des groupes de heavy metal, de la scène underground, Alexandrie. Elle a évolué en peu de temps. C'est ce qu'on appelle le changement de style. Je veux juste donner la liste, quelques groupes dont elle a fait partie. Elle fait partie de plusieurs groupes de la scène underground à Alexandrie. C'est des groupes qui s'appellent Nail Polish, Grin, Sameka, Télépoétique. Et un groupe qui était un peu plus connu, qui s'appelait Mascara, et c'est uniquement des femmes, qui étaient uniquement formées de femmes. Quelque chose du heavy metal. Elle jouait de la batterie et elle était la chanteuse du groupe. Ah oui, ça serait, oui. serait intéressant de mettre ça en comparaison oui. aussi, mais sa voix est restée intacte, elle, en tout cas. Elle dit quelque part qu'elle n'était pas vraiment à l'aise avec le heavy metal. Donc, elle est allée vers autre chose. Quand elle a rencontré un grand Manitou de la scène underground libanaise qui s'appelle Zayd Hamdan. Zayd Hamdan, c'est quelqu'un qui a fait de la radio, c'est quelqu'un qui produit des disques, qui a fait de la musique aussi de films. Zayd Hamdan, il a un groupe, une maison de production qui s'appelle Libanese Underground. Il produit plusieurs groupes du Liban, mais aussi d'ailleurs. Et elle l'a entendu en 2010. Elle est allée à Beyrouth chanter au Red Bull Music Academy. Bon, là, on est moins dépaysé. S'accrocher à Québec, effectivement. Et c'est là qu'il a découvert la voix de cette jeune femme qui est assez originale dans le paysage sonore des femmes arabes. Elle a une voix tout à fait particulière. Elle a un style aussi qui est différent. Ça, on peut appeler ça du dream pop, si on veut. Donc, c'est quelque chose de très original. Il a vu qu'il y avait un grand potentiel. Et j'imagine que la situation politique, c'est quelque chose d'être une artiste en elle plus. Elle n'est plus d'ailleurs en Égypte. Elle ne vit plus en Égypte. Être une femme chanter dans un contexte politique. De là, la musique alternative en Égypte, c'est vraiment risqué. Honnêtement, c'est risqué. Elle ne vit plus en Égypte. Je crois que c'est à Abu Dhabi, je crois. Peu importe, elle est dans le golfe persique quelque part. Bien en sécurité. Oui, oui. Où elle peut faire sa création. Je vais présenter cette jeune femme et je vais aussi présenter une autre chanteuse qui elle est toujours en Égypte. Elle s'appelle Mariam Saleh. C'est complètement autre chose. C'est une jeune femme qui a chanté, entre autres, les chansons d'un chanteur révolutionnaire qui a fait de la prison, qui a été emprisonné les années 70 en Égypte parce qu'il s'opposait au régime. Il s'appelle Sheikh Aman. On réalise pas ici au Québec comment prendre parole, faire un acte culturel, artistique peut devenir perversif dans certains pays et nous amener en prison, c'est fou. Oui, tout à fait. Et ces artistes, ce soit Mehi Wali dans ce qu'elle faisait à Alexandrie, que ce soit Mariam Saleh au Caire, ces artistes sont c'est un peu comme ici, la révolution. Je fais un parallèle avec la révolution tranquille au Québec. Il y a des artistes qui ont commencé à chanter la liberté, le désir finalement de sortir de la pesanteur de la société, c'est ça exactement. Alors ces artistes-là finalement ont chanté ce besoin, ce désir de liberté. Ils ont comme porté ça. Ils ont été des précurseurs et ils ont accompagné la révolution, le printemps arabe en Égypte. Mais ils ont fait la même chose en Tunisie, remarquez. Ils ont fait la même chose dans les autres pays. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour eux, disons. La poussière retombe et finalement... Elle ne retombe pas. Non, c'est ça. En fait, elle retombe tout croche. Ça va pas bien en Égypte, c'est ça. Et ça demeure difficile. Mais on dit souvent que quand les choses vont mal, c'est un terreau fertile pour... On leur souhaite pas ça quand même. Écoute, les oreilles ailleurs, c'est dimanche. Oui. On pourra entendre, découvrir ces belles chansons-là. Exactement. Juste une dernière petite chose en passant. Je fais aussi la réalisation du Grain de sable de TAC Québec le samedi midi. Et on va parler avec Yannick Marcil, l'économiste Yannick Marcil. On va parler de l'ère post-pétrole cette semaine. Gros sujet. Ça va être bien intéressant. On écoute ça et puis après, on change les idées. Après-midi, dimanche, on parle le matin, toute la journée, on écoute la musique à CKRL. Merci beaucoup, Michel Monnet. Bienvenue. Bonne journée.